C'est juste que si lui, il prend le drapeau, moi je suis de souche, ouais, un instant. Là, c'est parce le que, Québec aux Québécois, c'est ça qu'on entend dans ce discours-là. Là. Puis leur site, il est pas rassurant, il dit allez vous faire un tour sur notre site, je suis pas sûr que ça les aide. Là, allez voir ça, Laurent va le mettre également, peut-être le lien vers leur site. Allez voir le logo, Fédération des Québécois de souche, c'est un logo qui est, c'est peut-être un hasard, qui ressemble drôlement à celui du Front National. On l'a comparé. La petite flamme. Là, la petite flamme, c'est quasiment du copier. Mais c'est peut-être un hasard. Qu'est-ce que vous en dites? Live, à tradiox.com, il y a François qui dit « Tu parles à un militant néo-nazi. » Ah non, lui, il défend les intérêts québécois. C'est les intérêts baratin. Des Québécois de souche. C'est du baratin. Comme le Front National dit, on défend les Français. Et d'ailleurs, quelle est la souche des Québécois? Un petit peu d'Irlande, un petit peu de français, un petit peu d'anglais. Ça n'existe pas, un Québécois de souche. Beaucoup d'Italiens à Montréal. Absolument. Un petit peu d'Allemand. À maison, c'est correct. Ça, c'est bon. Mais la petite Chinoise que le couple, t'allais emprunter 35 000 piastres pour aller en Chine. Un couple qui s'aime, incapable d'avoir d'enfants. Il y en a plein. Il y en a plein qui nous écoutent, il y en a plein au Québec. Pas une vraie Québécoise. Non, c'est deuxième zone, non. C'est pas pareil. Très courte pause, on revient, vous êtes dans Morin Live. Morin Live, Radio X. Dupont, un grand travailleur. Dupont, le midi. Dupont, le midi. Une pure race de pain tendre. Dupont, ambassadeur de l'amour universel. Universel. Dupont, embrassez-vous, aimez-vous. Dupont, la légende. Dupont, lundi au vendredi, midi. Radio. Une présentation de Laval Volkswagen qui vous offre la Jetta Trendline 2014 à seulement 148 $ par mois. Location 48 mois. Léger raconte de 691 $. Premier versement gratuit. Vous pensez Volkswagen, pensez Laval Volkswagen. Morel. Une présentation de Laval Volkswagen qui vous offre la Jetta Trendline 2014 à seulement 148 $ par mois. Location 48 mois. Léger raconte de 691 $. Premier versement gratuit. Vous pensez Volkswagen, pensez Laval Volkswagen. Vous cherchez une sortie brillante pour la relâche? Jusqu'au 8 mars, le Festival Lumière bat son plein à l'Aquarium du Québec. 500 000 lumières, jeux gonflables, glissades, bar et sculptures de glace. Une sortie brillante à faire en famille à l'Aquarium du Québec. Horaire complet, aquariumduquebec.com. À la capitale, plus on s'assure, plus on économise grâce à la promotion multiproduits. Par exemple, si vous assurez votre habitation et votre voiture, vous pouvez économiser jusqu'à 240 $. Et si vous assurez en plus votre deuxième voiture, c'est jusqu'à 360 $ d'économie. OK, c'est beau. Économisez sur vos assurances auto et habitation avec la promotion multiproduits. Obtenez les détails dès maintenant au 1-888 La Capitale. Quand on a acheté notre maison, on voulait un beau terrain, du choix et surtout pas courir partout pour tout choisir. On voulait un projet clé en main et une maison de qualité supérieure. On a fait affaire avec Construction du Sous-Bois, une entreprise familiale spécialisée dans les maisons unifamiliales, jumelées et maisons de ville depuis plus de 25 ans. Avec Construction du Sous-Bois, on a eu le choix parmi plus de 500 terrains, plus de 100 plans exclusifs et sur mesure et on a tout choisi dans leur salle de montre unique à Québec. Venez concrétiser votre rêve sur constructiondusoubois.com. Le temps des sucres, c'est l'érablière Saint-Étienne. Pour l'ambiance exceptionnelle, le délicieux menu traditionnel qui se terminera par la meilleure tire sur neige. C'est le temps des sucres. Rassemblez-vous et réservez à l'érablière Saint-Étienne. 836-2400. Rendez-vous chez Aubin Auto et découvrez le plus bel inventaire de voitures d'occasion de la région. Coupé, berline, VUS, familial, camion, tous inspectés CAA Québec en 171 points. Votre voiture d'occasion vous attend chez Aubin Auto Saint-Nicolas ou sur aubinauto.com. Radio, la fameuse Radio X. Chez Donnacona Chrysler Fiat, c'est l'événement Vacances de rêve. À l'achat d'un véhicule, on vous donne un forfait tout compris à Cuba. Pour l'occasion, tout